Mozart, enfant prodige et musicien de génie, par Funk Brentano. L'enfant prodige. Il est rare que les enfants, qui dans les premières années de leur vie témoignent de facultés étonnantes, réalisent dans la suite les espérances qu'ils avaient fait naître. On dit que les horticulteurs arrachent les très jeunes pommiers, qui donnent des fruits en abondance, car ils se montreraient stériles dans leur maturité. Wolfgang Mozart fut une éblouissante exception. On a mille et mille fois conté l'histoire du miracle rapporté par le trompette Schlartener. Le petit Mozart n'avait pas encore accompli sa quatrième année. Schlartener rentrait de l'office du jeudi avec Léopold Mozart, le père, quand ils trouvèrent l'enfant occupé à gribouiller sur une feuille de papier à musique. Il avait les mains toutes noires d'encre, des taches d'encre sur sa frimousse et jusque sur sa petite robe. « Que fais-tu là ?» lui demanda le père. « Un concerto pour clavecin. Je vais bientôt avoir terminé la première partie. Fais voir. Mais je n'ai pas encore tout à fait achevé. Fais voir tout de même, ça doit être quelque chose de joli. » Et Léopold Mozart de considérer le papier tout en riant aux éclats. Mais voici que le rire s'apaise. Ce n'est plus qu'un sourire et qui lui-même va se couvrir de larmes. C'était des larmes d'émerveillement et de joie, dit le trompette Schlartener. Le père avait reconnu les rares dispositions de son enfant. La feuille était toute couverte de larges taches d'encre, car le petit bonhomme trempait sa plume tout au fond de l'écritoire, en sorte que l'encre déboulinait sur la feuille blanche, où pour la sécher, les mains du gamin l'étendaient, et c'est sur ces taches, où les portées musicales transparaissaient encore, que l'enfant merveilleux avait écrit sa première œuvre. Léopold Mozart, père du petit Wolfgang, était le fils d'un relieur d'Augsbourg. Il était venu s'installer en 1743 à Salzbourg, où il s'adonna à la musique. En 1763, il était sous-directeur de la chapelle du prince-archevêque. Sa jeune femme, Anne-Marie Pertl, était d'une rare beauté. Lui-même était un charmant cavalier. Adonis, disait-on, uni à la déesse Hébé. Ils eurent sept enfants, dont le petit Mozart et sa sœur Nanette, plus âgés que son frère de 4 ans. Les autres enfants moururent en bas âge. Les Salzbourgeois, parmi lesquels Mozart vit le jour le 27 janvier 1756, étaient renommés pour leur goût musical et pour leur sottise. Il y a 3 sortes de gens, disait-on, qui sont moins intelligents que les autres. Les crétins, les idiots et les Salzbourgeois. Mais quel musicien tu Dieu ! On entendait de la musique dans tous les coins de la ville et à toutes les heures de la nuit et du jour. Donneurs de sérénades, orgues à musique, carillons, les portes des maisons qui s'ouvraient mettaient en branle des jeux de sonnettes cristallines. Dans la salle des carabiniers à la résidence, il y avait un balcon dont les piliers, au toucher, rendaient les 7 notes de la gamme. Et partout, des concerts, des solos, des duos, des trios, des quatuors, des quintettes, des septuors, de somptueuses musiques d'ensemble. On y naissait virtuose. Mozart y naquit musicien de génie. Sensibilité musicale exquise. L'harmonie exerçait sur lui un charme infini. Elle fit le suave décor, la beauté de sa vie. Les sons violents lui causaient une vraie douleur. Le petit Mozart s'était pris d'une grande affection pour le trompeteur Schlartener, l'ami de son père. Mais il avait une véritable terreur de son instrument, à cause des sons trop éclatants que Schlartener en tirait. Léopold Mozart, ayant voulu guérir son gamin de cet effroi maladif, fit jouer de la trompette devant lui. Mais, au vacarme, l'enfant entre dans des convulsions telles que le père s'alarma et fit aussitôt cesser le jeu de l'instrument. Dès l'âge de 6 ans, le petit Mozart jouait du clavecin, non seulement d'une manière surprenante pour son âge, mais d'une manière à honorer le plus habile exécutant de son temps. Ce fut alors que son père entreprit avec son fils et avec sa fille Nanette, qui chantait délicieusement, sa triomphale tournée en Europe. L'enfant avait 6 ans quand il parut, avec Nanette, dans les salons de l'empereur d'Autriche, à Schönbrunn. On lui avait donné un costume fait pour le petit archiduc Maximilien. L'habit du drap le plus fin, couleur lilas, la veste en soie moirée de même couleur, habit et veste ornés de gros boutons d'or. Sous les grands parquets cirés, l'enfant glissa, tomba. Une petite princesse, âgée de 8 ans, se précipita pour le relever. Mozart, ravi, l'embrassa sur les 2 joues. « Tu es très gentil, je te promets de t'épouser. » La petite princesse était l'archiduchesse Marie-Antoinette, qui serait un jour la reine de France. L'année suivante, Mozart vint à Paris avec son père et sa sœur. Il avait 7 ans. Ce fut à Paris en 1763 qu'il composa et publia ses 2 premières œuvres destinées au public. L'une fut dédiée par lui-même à Madame Victoire, fille de Louis XV, l'autre à la comtesse de Tessé. Mozart reviendra une seconde fois à Paris avec sa mère en 1777 sur ses 21 ans. Sa mère y mourut. Mozart rentra auprès de son père au début de 1779, emportant un très mauvais souvenir de son séjour parmi les Français. Ses lettres le montrent ici sous un jour fâcheux. Une incompréhension absolue de la ville merveilleuse, à cette époque de son histoire, par l'éclat des arts, la perfection de l'industrie, le charme de la vie sociale et celui de l'esprit. Le jeune musicien écrit en allemand les plus lourdes sottises allemandes. Il ne témoigne aux Français que haine et mépris. Il est vrai qu'il les jugeait surtout musiciens. Encore, à cette même époque, ces mêmes Français savaient-ils apprécier un musicien comme le chevalier Gluck, qui valait bien Mozart et le dépassait de 100 coudées par la puissance de l'inspiration et par la profondeur du sentiment. Les Français, à la même époque, comptaient des compositeurs comme Grétry, Dalayrac et un certain Monsigny, qui, en son genre, égalait Mozart et écrivait de petites merveilles de finesse, de grâce et d'esprit, dont l'œuvre même de l'auteur des Noces de Figaro eût été parée. Ce qui avait accru l'étonnement de ceux qui avaient entendu jouer l'enfant prodige, c'était que le petit Mozart paraissait plus jeune encore que son âge par l'exiguïté de sa taille. À 12 ans, il en prononçait 9. À 7 ans, quand on l'entendit pour la première fois à Paris, il semblait en avoir 5. À 13 ans, Mozart fut nommé maître de chapelle de l'archevêque de Salzbourg. L'année suivante, en 1770, se place son fameux voyage d'Italie. À Milan, il donne, âgé de 14 ans, son premier opéra, à la diversité, à l'abondance des connaissances musicales et de la science qui sont nécessaires. On ne peut que ressentir le plus vif étonnement. Mithridate eut le plus grand succès. 20 représentations consécutives, ce qui pour l'époque était un chiffre exceptionnel. À Rome, Mozart fut admis dans la chapelle Sixtine à entendre le fameux Miserere d'Allegri, un descendant du Corrège, chanté par les célèbres musiciens de la cour pontificale. Le Miserere d'Allegri était chanté 2 fois l'an, les mercredis et vendredis saints. Le chant s'accompagnait d'une mise en scène merveilleuse. La lumière des cierges éclairait le formidable jugement dernier que Michel-Ange a peint fresque contre le mur derrière l'autel. Les figures des malheureux damnés, représentées d'un trait si énergique, prenaient plus d'expression et de vigueur encore dans la lueur mystérieuse que les cierges du culte répandaient sur elles. Puis, à mesure que le chant du Miserere se déroulait, les cierges s'éteignaient un à un, les chanteurs diminuaient le volume de leur voix, et dans une finale demi-obscurité et un murmure fait d'angoisse et d'émotion, que traduisait la musique d'Allegri, habilement rendue par les chanteurs, l'impression de la majesté divine envahissait souverainement les âmes. Les papes avaient interdit à leurs musiciens, sous peine d'excommunication, de communiquer à qui que ce fût le texte musical du Miserere. Le petit Mozart, rentré à l'auberge, prit une feuille de papier à musique et se mit à écrire le chant, si jalousement gardé, que sa mémoire avait retenu dans ses moindres détails. Le vendredi suivant, vendredi saint, il revint à la chapelle Sixtine et son papier mussé dans le fond de son chapeau suivit le texte qu'il avait écrit, tandis que retentissait pour la seconde fois à ses oreilles le chant fameux. Il notait à sa pensée les rares erreurs qui lui avaient échappé et qui furent corrigées dès son retour à l'auberge. On ne tarda pas à apprendre dans Rome que l'enfant possédait la mélodie sacrée. On voulut de toutes parts la lui entendre chanter, car Mozart chantait également à ravir. Le génie de l'enfant fit taire toute rancune. La prime jeunesse de Mozart contint la partie la plus intéressante de sa brève existence. elle se déroulera par la suite avec les heures de gloire et de triomphe, alternant avec les heures de tristesse et de déception qui ont marqué toutes les vies d'artistes. L'archevêque de Salzbourg, qui avait pris le jeune musicien à son service, ne sut pas le comprendre. Ce prélat, long, maigre et sec, au visage blême, aux petits yeux gris, et dont l'œil ne s'ouvrait qu'avec peine, avait un esprit étroit et un cœur dur. Il faisait manger le musicien de génie à la cuisine avec ses domestiques. Le grand artiste en écrit. Messieurs les deux valets de chambre sont placés au haut bout de la table, la place d'honneur. J'ai du moins l'honneur d'être placé avant les cuisiniers. On fait de grossières et stupides plaisanteries. Mais personne n'en fait avec moi, parce que je ne lis pas un mot, et quand je suis forcé à dire quelque chose, je parle toujours avec la plus grande gravité. » À la suite d'une discussion avec l'archevêque, celui-ci fit chasser Mozart par Chambellan, le comte Arcot, à coups de pied, littéralement à coups de pied. Toute sa vie, Mozart resta frêle et chétif. Il était très petit, maigre, avec une grosse tête, comme Beethoven, sur un corps menu. Il était très pâle, les traits nerveux, dans une mobilité perpétuelle. Ses traits ni ses yeux n'avaient rien qui caractérisait d'une nature particulièrement douée. Le visage était dépourvu d'expression, à moins d'une joie ou d'une contrariété vive. Alors seulement s'y accentuait l'expression de la joie ou de la contrariété. Ses membres étaient dans un mouvement perpétuel, comme ceux d'un idiot, dit un contemporain. Il remuait les jambes, frappait du pied, ne cessait de jouer avec les mains. Il avait deux grandes passions, la musique d'abord, qu'il aimait d'instinct, comme l'oiseau aime à voler, le poisson à nager et nous-mêmes à respirer. Il musiquait sans cesse. La seconde de ses passions était le billard. Il gagna beaucoup d'argent, mais il était désordonné, dépensier, irréfléchi, incapable de se conduire. Son père d'abord, puis sa mère, sa femme enfin, durent veiller sur sa conduite comme sur celle d'un enfant. Pour sa femme surtout, la tâche devint difficile. L'œuvre de Mozart est immense et paraît d'autant plus surprenante que, comme Raphaël, il mourut à 36 ans. Production incessante, comme celle d'un robinet ouvert qui répand de l'eau continuellement. On a voulu parler de la profondeur de la musique de Mozart. Il n'en est pas de plus superficiel. Son œuvre est gracieuse, charmante, légère, fine, délicieuse. D'une science et d'une habileté surprenantes. Mais ce n'est que de la musique. Ni chercher, ni passion, ni pensée, ni émotion profonde. On ne prétend pas que dans ces opéras, la musique soit en désaccord avec les paroles. Mais ce n'est qu'un accord à fleur de peau. On cite notamment Don Juan, en exemple de la profondeur de Mozart. Veut-on savoir comment ce Don Juan, d'une conception si profonde, a été composé? Un jardin, une treille, un petit bonhomme avec une grosse tête, assis devant une table en bois rustique, où il remue tout le temps. Sur la table, un encrier, une plume d'oie, du papier à musique et de nombreux pots de bière. Auprès de lui, avec lui, de gais compagnons jouent au quilles tout en buvant avec satisfaction. De temps en temps, le petit bonhomme à grosse tête se lève, prend une boule, joue à son tour, boit un coup et se remet à écrire. C'est Mozart composant la musique de Don Juan. Et l'on voudrait que Mozart, dans ces conditions, ait écrit de la musique réfléchie et profonde? Il n'est plaisanterie qu'il n'ait ses bornes. Et veut-on savoir comment fut écrite l'ouverture de ce profond Don Juan? Elle fut écrite en une nuit, dans la nuit qui précéda la première représentation et lorsque la répétition générale avait déjà eu lieu. La fin de Mozart fut dramatique. Un inconnu était venu lui demander la musique d'un requiem pour un étranger qui ne voulait pas se faire connaître et qui désirait commémorer par là une chère mémoire. Les honoraires furent aussitôt versés. Cet inconnu avait une figure très triste. Peu après, au moment où il allait monter en voiture pour se rendre à Prague, Mozart vit reparaître l'inconnu qui venait s'informer du requiem. Puis il disparut, après avoir versé au musicien une seconde somme d'argent. De cette nouvelle apparition, l'imagination de Mozart fut vivement frappée. Il travailla la musique du requiem en l'appelant son chant funèbre. L'inconnu revint une troisième fois pour remettre à l'artiste une troisième somme d'argent. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'un complot amical pour subvenir, sans qu'il s'en doutât, aux besoins de l'artiste en détresse. Il le prenait pour un fatal messager de la mort avec son lugubre requiem, d'autant que la santé de l'artiste déclinait. Sa femme était malade. Il s'éteignit le 5 décembre 1791. La neige tombait à gros flocons le jour des funérailles. Les rares amis qui l'accompagnèrent n'allèrent pas jusqu'à la fosse du cimetière, la fosse commune, car vous chercheriez vainement la tombe qui renferme les restes de celui qui montra au monde la plus étonnante organisation musicale qui est parue. C'était Mozart, enfant prodige et musicien de génie, par Frank Brentano.